Thank you. et Lina, un bassiste. So hard to leave. j'aime la basse. Yeah. batteur n'est jamais fatigué, jamais il peut s'arrêter. Thank you.